Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir dans le cadre de notre émission Lumière sur les ondes d'édition de ce 27 janvier 2017, vendredi 27 janvier 2017. C'est la date d'aujourd'hui. Comme annoncé la semaine dernière, nous poursuivons ce vendredi avec ce thème qui avait fait couler beaucoup de salive dans ce studio. Le thème, vous le connaissez, mesdames et messieurs, rôle et responsabilité de la femme au sein des églises, deuxième partie. Effectivement, c'est le partout de cette première édition que nous avons commencé vendredi dernier. Et ce soir, nous poursuivons avec nos auditeurs et bien entendu avec nos invités ce thème. Nous poursuivons effectivement l'analyse de ce thème, rôle et responsabilité de la femme au sein des églises, au sein des ministères. Est-ce que la femme peut-elle enseigner? Est-ce que la femme peut-elle prêcher? Quel est le rôle finalement de la femme dans le ministère, dans l'église, dans les communautés chrétiennes? Quelles sont ses responsabilités? C'est effectivement le thème que nous poursuivons ce soir. Et bien entendu, la semaine dernière, nous avons eu droit à des avis croisés dans ce studio. Si Élie Bertrand Tchabdal, évangéliste, affirme que la femme ne doit pas enseigner, le pasteur Sakher le reprend avec toute la force des mots. Et ce soir, nous espérons convoquer, en tout cas, nous allons convoquer pour cette émission, pour cette autre édition spéciale de Lumière sur les ondes, nous allons convoquer la présence du Saint-Esprit afin que les auditeurs tirent le meilleur des échanges et en soient éclairés. Rôle et responsabilité de la femme dans l'église, c'est le talk show de ce soir. C'est une émission qui est mise en onde et réalisée par Raoul Patrick. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Mevoix. Bonsoir et bienvenue. Nous prenons une fois de plus une musique de mise en condition dans la présentation du panel. Jojo Mallette qui chante « Il y a des chemins ». Il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des seigneurs. Il y a des seigneurs, mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel choisir? Mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des rochers, il y a des rochers. Rocher choisi, Jésus est le vrai rocher. Des chemins, il y a des chemins, chemins, il y a des chemins. Mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des sauveurs, il y a des sauveurs. Mais quel sauveur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, oh, oh, oh, oh. Il y a des seigneurs, Jésus le vrai seigneur. Il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins, il y a des seigneurs. Il y a des seigneurs, mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, il y a des seigneurs, mais quel seigneur choisir? Il y a des seigneurs, il y a des docteurs, il y a des docteurs. De choisir. Jésus est mon docteur, mon chemin. Il y a des chemins, il y a des chemins, mais quel chemin choisir? Il y a des chemins. La 99.6, surtout dans ce studio de la 99.6, vous y êtes connectés. Vous qui prenez l'écoute à présent, Lumière sur les ondes qui est en train d'être diffusée en modulation de fréquence depuis la radio du Corps du Christ, la fréquence du Corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, rebonsoir une fois de plus. Nous poursuivons cette émission que nous avons commencée il y a quelques minutes. Nous parlons du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'Église. C'est une émission que nous avons commencée la semaine dernière, vendredi dernier pour être plus exact, et ce soir nous avons effectivement la deuxième partie avec nos invités qui nous ont rejoints. L'un d'eux est d'ailleurs déjà là, Élie Bertrand Tchabda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck Stéphane, bonsoir à tous les auditeurs de Lumière sur les ondes en particulier et des radios Bonne Nouvelle en général. Effectivement, on rappelle que les auditeurs pourront participer également à cette émission à partir de 19h précise au 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Ce sera par appel ou par SMS, et vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez nous écouter à partir du www.radiobonnenouvelle.org. Donc voilà, donc et aussi par WhatsApp vous pouvez participer, 699 49 37 90. Donc vous avez tous les codes d'accès, tous les moyens de pouvoir nous écouter et de pouvoir participer à l'émission. Rôle et responsabilité de la femme dans l'Église. Élie Bertrand Tchabda, la semaine, est-ce qu'elle s'est bien passée? Très bien, par la grâce du Seigneur. Ok, super. Il faut dire que la semaine dernière déjà on abordait cette question, et on connaît très bien, les auditeurs d'ailleurs qui ont écouté la semaine dernière connaissent, oui, quelle est votre position. Vous martelez que la femme peut enseigner, mais elle ne devrait pas enseigner. Absolument. Peut enseigner, oui. Mais elle ne devrait pas enseigner. Elle ne doit pas enseigner, oui. À la lumière des Saintes Écritures. Vous nous avez d'ailleurs cité 1 Corinthiens chapitre 14. Qui est un peu plus clair là-dessus. Oui, le verset 33 où Paul demande aux femmes de se taire, oui, dans les assemblées. On rappelle ici que le pasteur Sakhar, qui n'est malheureusement pas encore là, oui, ce soir, s'inscrivait en faux, oui, et qui convoquait des valeurs de texte et de contexte. Non, oui. De texte même d'abord. Absolument. De texte et de contexte. Oui. Également, on a pu relever un verset biblique qui l'a présenté, le livre Galates chapitre Galates 3, oui, verset 28. Qui est célèbre dans ce camp-là. Effectivement, qui, mm-hmm, on peut également dire que 1 Corinthiens 14, 33 est célèbre dans le vôtre. Vous allez former deux camps avec la parole de Dieu. C'est la réalité aujourd'hui. Alors, on espère que le pasteur Sakhar va nous retrouver. Et on espère également qu'il allait nous écouter dans quelques moyens qu'il a transmis. Ok, mais alors, Eli, on n'a peut-être pas touché. Je veux pas, puisque pour le moment, il n'y a pas quelqu'un en face de vous. Je ne, oui, veux pas qu'on entre dans le débat vif. Oui. Mais on parle aussi de rôle et de responsabilité de la femme. Oui. On n'a peut-être pas touché ce pan, parce qu'on était un peu plus orienté vers est-ce qu'elle doit enseigner, est-ce qu'elle doit pas enseigner. Mais, oui, en réalité, selon vous, oui, puisque c'est vous qui parlez, à quoi est appelée une femme dans une communauté chrétienne? Bonne question. Qu'est-ce qu'une femme devrait faire dans une communauté chrétienne? En fait, quel est son rôle? Quelle est sa responsabilité? La réponse, s'il donne la réponse directement, là, l'émission s'achève normalement. Mais il y a quelque chose à corriger. Pourquoi l'émission s'achève? En fait, parce que c'est le rôle, le but de l'émission, le but de ce thème, si c'est de montrer quel est leur rôle justement. Mais et ce rôle-là, ils n'en veulent pas. Mais je suis d'accord avec vous, mais oui, ce le rôle que vous allez donner, oui, peut être contesté, peut être contredit. C'est pour cela que je ne donnerai jamais mon rôle à moi. Je vais prêter ce que la Sainte-Écriture dit d'elle. C'est pour ça que je cite et je me force dans ces émissions-ci à ne pas citer mes idées, parce que je n'ai pas d'idées, mes idées à porter au niveau des choses de Dieu. Okay. Maintenant, cela dit, vous faites bien de signaler cela, parce que le titre, le thème de l'émission, effectivement, c'est le rôle et la responsabilité de la femme dans l'Église. Mm-hmm. Vous voyez, dans la première émission, on s'est basé uniquement sur ce qu'elle ne doit pas faire, et chaque fois qu'il y a ces débats sur les antennes, que ce soit la télévision ou dans des livres, on se base sur ce qu'elle ne devrait pas faire, parce qu'en fait, elles ont les esprits têtus. Peut-être parce que quand on parle de rôle ici, oui, quand on n'a pas déjà défini le cadre, oui, de compétences, oui, est-ce que c'est parce que je dis n'importe quoi, je, oui, dirais par exemple, je, oui, le dis comme ça, que par exemple, le rôle de la femme c'est d'enseigner, oui, je dis n'importe, oui, quoi, oui. Alors si dès la base elle ne doit pas enseigner, oui, vous voyez que l'enseignement ne peut pas entrer dans ses responsabilités. Absolument. Donc je veux justifier le fait ici qu'il c'est pour cela qu'il est important, oui, dès le départ de s'entendre sur une base, oui, qu'est-ce que la femme doit faire. Si on comprend ce que la femme doit faire, on peut facilement lui attribuer, absolument, en fonction de ce qu'elle peut faire, absolument, des responsabilités. Le vrai problème, c'est qu'elle sait effectivement ce qu'elle doit faire, parce que les Écritures le disent clairement. La Bible déclare clairement qu'elle s'est d'elle de mettre dans le silence, d'abord pour commencer. Donc, il faut voir, pour avancer, parce que lorsqu'il y a des, ouais, bruits et lorsqu'il y a beaucoup d'éclats de voix, on ne peut pas expliquer des choses. Mm-hmm. C'est pour cela que la Bible déclare d'abord qu'elle soit dans le silence, comme, mm-hmm, le dit la loi. On va y revenir. Okay. Alors, vous faites bien de première chose, oui, si je vous écoute et sont vos, oui, propos, la femme dans, oui, l'assemblée, dans une communauté chrétienne, doit d'abord se taire. Doit d'abord se taire. Elle doit d'abord admettre cela avant qu'on lui présente coquille. Comme vous êtes sûr, voici donc ce que Dieu vous appelle à faire. Ok. Voilà, maintenant, avançons. Vous allez simplement avoir des appels de femmes ce soir. Absolument, il n'y a pas de problème. Vont réagir au 243-07-56-32, 243-07-56-32, ou au 699-49-37-90, par appel ou par SMS, vous pouvez réagir à l'émission. Allez-y. C'est leur époque, c'est leur esprit, c'est l'esprit qui règne à cette époque-ci, dans tous les domaines de la vie. Alors, donc, ça ne me surprendrait pas qu'on me fasse faire des choses aujourd'hui, mais il n'en demeure pas moins que la parole de Dieu a des solides fondements et ça reste debout. Qu'est-ce qu'il veut dire? Nous sommes dans un studio radio de médias. Chaque personne a un rôle ici. Vous avez le rôle de journaliste, un technicien, un directeur de chaîne, un chef de programmateur. Supposons que quelqu'un vient dans cette chaîne de radio et dit que mon rôle ici, c'est d'épuiser de l'eau. On n'a pas besoin d'épuiser de l'eau ici ou bien de creuser de puits dans ce cadre-ci, parce que dans cette maison-ci, il n'est pas défini des cadres pour quelqu'un qui doit creuser de puits. Et par conséquent, son rôle est obsolète, il n'a pas de place ici. Donc, donner des postes et des responsabilités à des femmes qui ne se trouvent pas dans les Écritures, c'est faire vraiment un corps fantôme dans le corps de Christ. C'est ce que j'appelle le cancer du corps de Christ. Ouais. On greffe donc dans la chose de Dieu ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a spécifiquement donné des postes à chacun. Et quand on parle de l'enseignement, justement, puisqu'il est question de cela, pourquoi lorsqu'on dit la femme ne doit pas faire ceci, on voit seulement l'enseignement, parce que pourtant, littéralement, ça lui est interdit là-bas. Pourquoi on va dans le grec pour essayer de chercher pour que qu'est-ce que enseigner veut dire dans ce contexte-ci? Pourquoi on cherche le contexte pour ça? Dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare fuir l'immoralité l'immoralité sexuelle. Là, on ne cherche pas de contexte, on ne cherche pas. Et tous les pasteurs, quand ils voient quelqu'un vivre dans l'immoralité sexuelle, on cite ces passages. Non, mais peut-être parce que, sans vouloir vous couper, oui. je suis un peu obligé pour ne pas faire oui. la monotonie. Genre, vous parlez seul dans ce studio. Oui. Quand vous avez parlé des versets bibliques, par exemple, tu ne voleras pas, qui est un commandement qui est connu de tous. On ne va pas aller chercher le grec. Peut-être parce que ça fait l'unanimité. Oui. Ça veut dire que même dans ces commandements, les gens continuent à voler. Je suis d'accord avec vous, mais le commandement, il est clair. Et il fait l'unanimité. Maintenant, je veux peut-être justifier le fait que les personnes aillent fouiller dans la langue première pour pouvoir avoir le sens juste. Du fait des traductions. Oui. C'est justement parce que souvent, ça ne fait pas l'unanimité. Oui. Et ça a d'ailleurs été le cas ici vendredi dernier, où j'ai deux enseignants de la parole. Oui. L'un me dit la femme doit enseigner avec test biblique. Oui. L'autre me dit la femme ne doit pas enseigner avec test biblique. Alors, absolument. À ce moment-là, est-ce que il n'est pas judicieux d'aller creuser dans la profondeur, dans l'étymologie? C'est eux qui enseignent dans les écoles bibliques. Je n'enseigne pas dans les écoles bibliques, mais ce qu'ils enseignent dans les écoles bibliques, ils disent clairement ceci. Voici les textes, ce sont les principes que eux ils ont écrits. Oui. Ce sont les hommes qui ont écrit ces principes-là et qui les calent au cou. L'un des leurs principes, c'est que les textes qui sont clairs sont utilisés pour expliquer ce qui est dans l'homme. C'est pour ça que dans l'un de ses arguments ici, il a dit nous attendons ce soir qu'il vienne donner les exemples dans la Bible. On souhaite vraiment qu'il soit là. Ou bien s'il ne peut pas être là, qu'il l'appelle et qu'il participe même en plein. Voilà, donc ce qui veut dire, c'est que l'un de leurs attributs qu'ils ont, enfin, les arguments qu'ils ont appliqués, c'est qu'il faut que les gens utilisent, enfin, pour les règles des interprétations des écritures veuillent qu'on utilise des passages clairs pour expliquer ce qui est flou. Donc vous dites, vous dites que dans la semaine dernière, j'ai dit que les femmes ne doivent pas enseigner et lui dit la femme enseigner. Littéralement, c'est écrit dans la Bible que la femme ne doit pas enseigner. Je ne permets pas, à deux reprises, cela est écrit. Bon, il n'est écrit nulle part que la femme, je permets à la femme d'enseigner. Pourtant, littéralement, c'est écrit que la femme ne doit pas enseigner. Donc, c'est vrai que comme ce passage-ci est clair et pas à deux reprises, ce passage doit être utilisé pour éclairer le reste. Donc, ça veut dire que, comme je le disais pour l'accueil sur ce plateau-ci, je dis donc que c'est eux qui ont installé ces règles-là dans la théologie, que les passages clairs de l'écriture sont utilisés pour interpréter. Ici, il va me corriger maintenant en entrée, en m'accueillant là. Alors, ça veut dire que ces passages-là qui sont utilisés, qui sont clairs dans les écritures, doivent être utilisés pour éclairer ce qui est flou. Donc, quand on prend par exemple le cas de l'enseignement, c'est écrit littéralement que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité. Aller en grec chercher maintenant, ce n'est pas la règle qui sont écrites. C'est pour ça qu'il t'a dit justement qu'il faut qu'on retourne. Et même en grec, justement, ça change toujours la donnée parce que c'est ce qui est dit en grec. Je crois qu'on va y revenir encore maintenant parce que en grec, ça dit la même chose. Ok, merci. On rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent participer à l'émission. Traitons ce soir du rôle et de la responsabilité de la femme dans l'église. Les codes d'accès sont connus à partir de 19h précises, le 243 07 56 32, 243 07 56 32 et aussi au 699 49 37 90. Vous pouvez réagir par appel ou par SMS. Pour ceux qui nous écoutent au-delà des frontières africaines et camerounaises, le lien, il est connu, www.radiobonnenouvelle.org. Voilà, www.radiobonnenouvelle.org. En un mot, vous pouvez également retrouver les missions sur YouTube à travers le lien Bamba Iba. Oui. Voilà, vous pouvez retrouver également l'émission. Donc, vous pouvez nous contacter. Pasteur Sakhar qui nous a rejoint dans ce studio, on espérait vous avoir par la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et on a le pasteur Sakhar. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous nos auditeurs. Pour ceux qui sont de la Douala, ils savent qu'en de coaching, pendant moins de 30 minutes, je voulais dire une foultitude vraiment de personnes, de motos, impossible. Donc, je suis là parce que ça fait plus de 20 à 25 minutes. Donc, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Nous rendons grâce à Dieu du fait que vous soyez là. Comme quoi la foi peut, Elie Bertrand Tchabda, ramener des personnes qui sont dans une situation d'embouteillage et voilà, les amener dans ce studio. Absolument, absolument. Il est là vivant, c'est la preuve de notre manifestation. Alors, pasteur Sakhar avec Elie Tchabda, Bertrand, on a abordé autrement cette émission. On rappelle que c'est une continuité. J'ai dit d'entrée de jeu que vous êtes inscrit en faux aux propos qu'il présentait ici la semaine dernière en disant par exemple que la femme ne doit pas enseigner. vous, vous étiez, vous aviez un avis contraire, vous, vous soutenez que la femme doit enseigner. Mais avant de revenir sur ce qui a été le centre de notre discussion la semaine dernière, on va un peu toucher des responsabilités, du rôle de la femme. Alors, Élie s'est exprimé, il a dit que la première chose, il va poursuivre, mais il a donné quand même un indicateur, la première chose, elle doit être dans le silence quand elle est dans l'Assemblée. C'est la première chose qu'il nous dit. Ça veut dire que, qu'est-ce que la femme est appelée à faire dans l'Assemblée? Premièrement, elle doit se taire. Pour que je puisse entendre mes propres bouches, puisque je suis là, pour je vous en prie, allez-y, oui. J'ai dit, pour qu'elle puisse savoir ce qu'elle a à faire, il faut d'abord, premièrement, qu'elle admette d'abord, qu'elle reste d'abord dans le silence. Dans le silence. Afin qu'on lui dise, mais là, c'est que les Saintes-Écritures disent qu'elle doit faire. Ok, vous allez venir à, nous dire également. Mais avec le pasteur Sakher, une femme dans une assemblée, dans une communauté chrétienne est appelée dans à la faire culture, quoi? Dans la culture juive, la culture moyenne-orient, nous pouvons même constater que même lorsqu'il y avait le temple était construit, il y avait ce qu'on appelait le pavis des femmes. Oui. Pour dire que les femmes n'étaient pas mélangées avec des hommes. Donc depuis la culture juive, la femme était toujours réservée à prendre la dernière place. Donc c'est, on ne pouvait jamais voir une femme être dans l'assemblée avec l'homme en train de participer mutuellement. Donc, okay. Depuis l'époque, la femme occupait une seconde place. Ça veut dire que depuis le temple, il y avait un pavis des femmes, un pavis où, qui était réservé uniquement pour les femmes. Maintenant, venons dans le domaine dont l'évangéliste Élie parle là. Je crois qu'il est en train de jeter en même temps la culture juive, qui consistait à ce que la femme avait une place de silence d'abord au sein de l'Assemblée. Je crois que nous avons parlé, j'ai parlé de ça la semaine passée. Lorsqu'on parle de la femme ici, il s'agissait de Gouné. Donc bon, il est très, très important de préciser qu'il s'agissait dans ce passage dont il va toucher. Vous parlez de quel passage? 1 Corinthiens 14, 33. C'est Paul qui s'exprime. Oui, c'est Paul. Ouais. Donc nous voyons que dans ce passage précisément, il s'agit du mot épouse. Donc Paul était en train de mettre l'ordre, le comportement des épouses vis-à-vis leur comportement au sein de l'Assemblée. Pour ceux qui font un peu quelques études, quelques recherches, ils savaient que pendant l'époque, les épouses chrétiennes, c'est-à-dire païens, se convertissaient à Christ et trouvaient aussi les épouses ou les époux même des juifs qui étaient aussi convertis à Christ. Et cette synchronisation, bien sûr, ce partage de ce groupe de peuple, les épouses, surtout des païens, avaient cet élan de prendre la parole en public, je voulais dire extravaganer, lorsqu'elles avaient des questions, elles prenaient la parole, elles appelaient les gens à haute voix, donc elles manquaient le respect au nom de leur liberté. Et pour un juif, c'était réellement une offense. Oui. Parce que le juif, dans sa culture, la femme est réservée à être mise à part. La femme avait une place, la femme avait un, comme je dis, elle avait une place une seconde place. Vous avez parlé du parvis des femmes que j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Donc, voir une femme au sein de l'Assemblée prendre la parole, élever sa voix, parler d'une manière entre guillemets arrogante, pour c'était réellement une dispute. J'aimerais d'abord rappeler ici que lorsqu'on parle les épîtres étaient des lettres que on envoie épîtres veut dire déjà lettres, ouais. Des lettres écrites pour répondre à des problèmes spécifiques qui se trouvaient dans une assemblée bien spécifique. Donc, plusieurs fois, Paul dit, par rapport aux questions que vous m'avez posées, je n'ai rien, par rapport aux questions, voilà ce que je pense. Donc, les épîtres, c'était dans des lettres qui étaient des réponses par rapport à des questions ou à des problèmes qui se trouvaient d'une manière spécifique dans une assemblée. Alors, avant de vous donner la parole, je voudrais que le pasteur Sakher réponde à ma question, parce que il a planté certes le décor, mais il n'a pas répondu à ma question. Quel est donc, vous avez parlé du cadre juif, aujourd'hui dans notre contexte 21e siècle, à quoi est appelée une femme au sein d'une communauté chrétienne? Au sein d'une communauté chrétienne, une femme est appelée à exercer le même rôle qu'un homme est appelé à exercer au sein d'une communauté chrétienne. Okay. Ça veut dire que si un homme, s'il y a des hommes pasteurs, il y a des femmes pasteurs. Okay. La preuve en est, ce n'est pas juste dans la théorie, moi j'ai ça d'une manière pratique avec moi. Donc je connais beaucoup des hommes qui ont peur pour aller dans les champs de mission. Actuellement, il y a des femmes qui se lèvent, qui sont en train de créer un impact dans les champs de mission. Donc je crois que s'il y a des hommes pasteurs, les femmes aussi ont le droit d'occuper le rôle de pasteur, parce que ce n'est pas une affaire de sexe, c'est une affaire d'identité et d'appel de Dieu dans leur vie. Ouais. Donc le même Dieu qui a appelé un homme est le même Dieu qui a appelé une femme sans distinction de sexe. Ok, donc pour vous, si j'ai bien compris, elle peut tout faire comme les hommes, elle peut être prophète, si c'est seulement peut-être arrêté, elle peut être prophétesse autant pour moi. Et là, enseignante, évangéliste, un peu comme Élie Bertrand Tchabda. ça. Du moins, c'est tout ce qu'un homme peut faire. Il a dit tout, c'est clair. On a très bien compris. Oui. Et c'est cette précision, cette question que je posais. Voilà. Alors, vous nous avez dit que la première des choses, c'est qu'il faut faire ça dans le silence, avant de savoir ce qu'elle a à faire. Touchons donc, d'après vous, et à la lumière des Saintes Écritures, certainement, ce que la femme est appelée à faire. Voilà. La femme du 21e siècle, je ne parle pas de la femme dans le contexte juif. Oui. Je parle aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce qu'elle est appelée à faire? Bonne question. Mais je ne veux pas avancer à répondre à votre question sans corriger ce qu'il a dit. Parce qu'il est allé dans la culture pour prendre ces choses-là et y ramener. Okay. Il dit que l'apôtre Paul, le fait qu'il était, lui était juif, dans le contexte juif, en allant depuis le pavis, comme on avait fait le temple, Dieu n'avait pas trouvé de mal à cela. Ce n'est pas la culture qui était en dedans du temple. La Bible parle du temple, de la régularisation du temps sous le sacerdoce lévitique comme venant de Dieu. Mm-hmm. Donc ce n'est pas la tradition juive qui était dans le temple, c'était la régularisation selon un sacerdoce donné à une époque bien déterminée. Mais maintenant, ce qui ressort d'abord un des passages dont j'avais dit, c'est qu'il faut qu'ils disent aux gens que le mot gouné, effectivement, qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, est en même temps utilisé en grec, parce que le grec, avec le même angle, on peut avoir plusieurs ou autres définitions dans notre langue, comme par exemple, on parle paraclétus, qui dans 1 Jean chapitre 2, représente là-bas, on écrit là-bas avocat, et dans Jean 14, on a mis là-bas par consolateur. Donc le même mot grec, paraclétus, est en même temps avocat et en même temps consolateur. Donc ce même mot gouné qu'il en est utilisé dans celle-là, c'est Guy Épouse, c'est écrit femme. Et dans ce 1 Corinthiens 14, qui est un passage qui est un peu plus clair, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui le dit, il vient encore le citer, il dit comme dans toutes les assemblées des saints, il veut dire cette situation, comme il a déjà dit, la situation qui s'est posée à Corinthe, c'est la même situation et la même régularisation qui est ordonnée à toutes les autres églises. Il dit comme dans toutes les églises saints. Au chapitre 16, verset 1, il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. C'est le même ordre pour tout le monde. Donc s'il y a un problème dans une assemblée, des chrétiens ou bien l'assemblée des saints, c'est le même remède qui est injecté. C'est l'ordre du Saint-Esprit, c'est ce qu'il a dit. Et là, le plus grave dans cette histoire, dans 1 Corinthiens 14, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qu'elle se taise comme le dit aussi la loi. Je lance un défi ici à quiconque. Alors, de me montrer dans la loi. Permettez-moi de dire que c'est important. Parce que ça va permettre qu'on enlève ce qu'on appelle conteste, que les épouses des païens venaient d'ici. Et là, vous voyez, effectivement, lorsqu'on est dans cette interprétation, on a beaucoup d'ambiguïté. Mm-hmm. Parce qu'en réalité, il y a une autre frange qui dit que, d'après le contexte, comme par 1 Corinthiens 11, par exemple, par rapport au foulard et la couverture, on dit que les femmes prostituées avaient. D'autres disent que ce sont les femmes prostituées qui se couvrent de voile. Et on voit Rebecca là-bas qui a vu Isaac, elle se couvrait. Elle n'était pas une prostituée, elle était une vierge. Vous voyez. Donc lorsqu'on entre à l'intérieur dans cette interprétation lexicologique et contextuelle, en disant qu'on en développe sorti de prétexte, nous revenons simplement aux écritures. La Bible déclare qu'on n'aille pas au-delà de ce qui est écrit. On ne parle pas au-delà. Vous étiez en train de parler de quelque chose, Elie Bertrand Tchabda, quand vous avez fait allusion à la loi. À la loi, je vais citer ça pour que les gens puissent savoir. Ouais. Dans la Bible, si l'apôtre Paul, quand il a convoqué le fait que les femmes doivent être en silence, il dit elles doivent être dans le silence, elles doivent être comme le dit aussi la loi. Et c'est là que je soulève dans le pan de voile en disant je lance le défi à quiconque d'aller montrer dans la loi où il est ordonné que la femme reste en silence et comprendre ce que la propre femme dit. Donc c'est ça que je suis avant de dire maintenant par rapport à la réponse que tu as mais dans la question que j'ai posée. Oui. Donc au 21e siècle, la Bible n'a pas varié. Au 21e siècle, on constate que le 21e siècle a hérité des 18e puis des 19e siècle. C'est ce qui ressort. Parce que lorsqu'il dit dans ses propos que tout ce qu'il constate, que tout ce que la femme fait, l'homme fait, Dieu peut faire, et il part dans la page pratique, en pratique, il le vit, il faut qu'il entre dans l'histoire maintenant sur ce plan-ci pour regarder quand est-ce qu'on a consacré la première femme pasteur, quand est-ce que une première femme, parce qu'il n'y a pas eu jamais cela dans la Bible. Dans l'histoire, c'est écrit, ils peuvent retrouver cela. En Amérique, Elizabeth Bright, la première femme qui a été consacrée, qui a été reconnue pasteur, c'est écrit dans la l'église méthodiste, enfin, dans les mouvements méthodistes, que ce soit Calvin, Zwingli et tous les autres mouvements qui ont eu lieu, qui ont maintenu la doctrine de Christ, petit à petit la décadence va venir. Et vous allez remarquer que chaque fois que à la suite de la révolution française de 1700, le mouvement féministe qui va naître avec les garçons qui ont fait scandale en montant les jupes au niveau des genoux, ça a fait scandale. Petit à petit, l'église, puisque l'église fait partie à l'intérieur de la société, va être investie. Élie Bertrand Tchabla, le pasteur Sakin s'est prononcé par rapport au rôle. Oui. Il a dit que la femme, tel un homme, peut enseigner. Moi je veux savoir. J'arrive. Vous plantez également le décor. Je prends le décor et puis j'avance doucement. Parce qu'il pense qu'il peut le faire parce qu'il n'y a pas de sexe. Mais je recommence encore d'abord premièrement. 1 Corinthiens dit qu'elle doit d'abord se taire. Il ne leur a pas permis d'y parler. Et la Bible va même plus loin. Ça on a compris. Oui, mais non, j'arrive. Oui. La Bible va plus loin pour dire qu'il est malséant. Il n'a pas dit des épouses. Il est malséant à une femme. de parler dans l'assemblée. C'est d'abord la chose qui est dite là-bas. Oui. La Bible déclare, et maintenant, je vais maintenant, et c'est là, je crois que c'est l'un de ses propos qu'il a cité la dernière fois. Il a dit qu'il devait donner les exemples ici dans la Bible. Mm-hmm. Qui nous donne les exemples d'une femme apôtre, du pasteur, il arriver, mais Élie Bertrand, qu'est-ce que la femme, c'est chapitre de manière de vie, c'est alors, chapitre 2. C'est l'écriture, ce n'est pas la fête d'Élie Bertrand. Qu'est-ce que la femme doit faire? Je vais dire maintenant, c'est encore les écritures. Je vais lire, chapitre, permettez-moi de prendre votre Bible là, chapitre 2, et je vais lire à partir de là ce qui est écrit, et nous avons vu effectivement que c'est là, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a encore réitéré à l'Église. Okay. Dans Tite chapitre 2, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. L'apôtre Paul, il dit le Seigneur Jésus-Christ qui l'a dit. Je peux le dire haut et fort que ce Seigneur Jésus-Christ a dit, parce qu'il a dit clairement que l'évangile qu'il a prêché n'est pas de lui, c'est pas d'un homme. Donc l'apôtre Paul dit ici, pour toi, dis les choses qui sont conformes. C'est au chapitre 2, verset 1. Je commence par là. Dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. L'apôtre Paul prescrit à Tite de dire les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Ce qu'il va enseigner maintenant, on appelle ça sainte doctrine. Maintenant, il dit. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Il appelle ça sainte doctrine. Et dans 1 Timothée, souvenons-nous justice à la dernière fois, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 3, il a dit si quelqu'un enseigne des fausses doctrines sans s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur, il est enflé d'orgueil. Oui. Ici, l'un des prescrits, c'est que la Bible appelle par sainte doctrine. L'un des volets de sainte doctrine, il dit, verset 3, il dit, dit que. Donc, c'est pas moi qui s'en ai dit, c'est la Bible qui en a dit, voici ce qu'on doit enseigner. Dit que les femmes âgées, cette fois-ci ce sont les femmes encore, âgées, oui. On n'a pas parlé des épouses ici, les femmes âgées doivent, vous voyez le mot encore, c'est parce qu'il y a l'ambiguïté entre peuvent et doivent. Doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Un, n'être ni médisante. Deux, ni adonné au vin. Trois, qu'elles doivent. Nous y voilà. Vous parlez des ordres. C'est un rôle. Voici le rôle qui. C'est pas moi qui le dis. On dit clairement ce qu'elles doivent faire. Allez-y. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Puis on dit, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, virgule, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques. Ça a fait sauter les femmes du 21e siècle. Bonnes, soumises à leur mari. Puis on dit, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémé. Voilà ce qu'il en a. Alors, si je comprends, mais avant de vous lancer, pasteur Sakier, le rôle de la femme... Non, du coup, je vais le laisser, j'étais à chaud là. Oui, dans ce passage de Tite chapitre 2 qui dit là, à partir du verset 3, n'est-ce pas? Non, à partir du verset 1, je crois qu'il est arrivé jusqu'au verset 5. Oui. Si on lit ça, là, il a dit, dans son passage, il a dit qu'elle doit donner quoi, les bonnes instructions. Les bonnes instructions. Ok, d'autres, lui second dit qu'elles doivent enseigner. Elles soient promptes à l'enseignement. C'est lui second qui s'en est dit. Le même mot par enseignement là, puisque tu connais, tout à l'heure tu parlais du grec, c'est le même mot didaskeo. Didaskeo. Qui est le même mot de 1 Timothée chapitre 3. Alors maintenant. Qu'on recommande à l'évêque qui doit être propre à l'enseignement. Mais maintenant mon cher, la Bible dit si clairement, on a orienté. Non, non, je suis là parce que je ne peux pas couper. À moins que tu peux dire que elle doit juste enseigner les jeunes femmes. Non, c'est pas moi qui dis. La Bible dit clairement, franchement, il ne faut pas qu'on soit malhonnête. Chapitre 3, où la Bible déclare que l'évêque doit être propre à l'enseignement, c'est la même responsabilité dont on a donné à la femme âgée. Mais orientée vers les femmes. Elle doit aussi enseigner. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, la femme n'a que le ministère lorsqu'elle s'adresse aux femmes. Non, non, attends, le ministère, c'est un autre mot que vous, comme vous connaissez le grec, que vous c'est un service qu'on rend. Chaque personne dans le corps a un rôle. J'ai une question. Donc, la femme, c'est lorsque elle dirige la louange qu'elle a un ministère. Je ne peux pas parler de louange. La Bible n'a pas parlé de louange. C'est lorsqu'elle s'adresse à des femmes qu'elle a un ministère. Pas ça, ça, mais dès que les femmes, dès que les hommes arrivent, être vraiment posé à cette assemblée, c'est pour comprendre ce que la Bible dit. Alors, c'est juste une question. C'est pas moi qui pose les questions. Je voulais juste dire, donc lorsque la femme s'adresse, mon frère, parce que mon frère Sakai, pourquoi ne pas comprendre la parole simplement telle que c'est écrit? Non, je relis la phrase. Nous sommes en train de parler du rôle. Le mot rôle veut dire c'est la responsabilité. Voici donc ce que la Bible dit que les femmes âgées doivent aussi, ils doivent enseigner. Nous sommes d'accord. Les jeunes femmes, à être soumises, à leur mari. Moi, je pose une question. Oui. On parle des femmes âgées. Oui. Qu'en est-il des femmes qui ne sont pas âgées? Si elles ne sont pas âgées, elles sont des jeunes femmes. Si oui. Ça veut dire qu'elles n'ont pas la maturité. C'est pour ça que même les jeunes, les jeunes dans le ministère, la peuple interdit qu'on ne donne pas la responsabilité aux jeunes parce qu'ils n'ont pas la maturité. Le petit tombe sur le coup de la tentation. C'est évident que ça. Rapidement. Oui. Si l'évangéliste Élie dit que la femme, c'est celle qui est âgée, qui a la responsabilité, selon la parole. Regardons les choses. Ne dites pas que j'ai dit. Nous sommes en train de lire la Bible. On a dit, vous avez posé le rôle de la femme. Votre interprétation de la Bible. Je n'ai pas interprété, j'ai lu. C'est une très mauvaise interprétation. Non. Allons-y. Laisse-moi te dire. Parce que si la parole, si ce sont les femmes âgées qui sont appelées, qui n'ont qu'un ministère d'enseigner juste aux jeunes femmes, alors Priscille, dans leur lorsqu'on lit même dans le Romain où Paul a placé même Priscille, oui, avant même son mari Aquilas, oui, qui enseignait Apollos. Ah, mon cher, voilà. Mon alors cher. Maintenant, Apollos était-il aussi une jeune femme? Voilà, bonne question. Est-ce que Apollos était aussi est-ce que Priscille était une grand-mère? Est-ce que Priscille était une femme âgée? Permettez-moi donc de répondre. J'ai encore la parole. Je crois que j'ai encore la parole. Allez-y rapidement. Donc, la Bible précise bien Apollos, un homme éloquent, versé dans les Écritures. Lorsqu'il a rencontré Priscille, Aquilas, ils les ont enseignés. Acte chapitre 18. Ils ont enseigné les voies de Dieu dans une plus grande précision. Ça c'est. Et lorsque Paul salue ses collaborateurs, il est important de citer que quand il s'agit de collaborateurs, ce n'est pas le mot doulos, c'est-à-dire que esclave. Et si quand on parle de collaborateurs, s'il met la face sur le mot assistant, en d'autres mots, ministre, c'est le mot ministre. Non, ok. J'arrive. C'est le mot ministre, parce que le mot collaborateur fait référence à serviteur, qui ne veut pas dire esclave, et c'est qui parle de ministre, parce qu'il y avait deux aspects dans le grec. Quand on te parlait de doulos, il s'agit de celui qui est esclave, qui s'est sur les tables, c'est-à-dire que le domaine de, comment appeler, de nos jours, quand on parle de diaconesse, elle s'occupe uniquement des choses naturelles, finances, l'église. Mais lorsqu'on t'appelle ministre, il s'agit de celui qui est occupé au ministère de la parole. Donc Paul, il y a la Bible quand il écrit ministre, pourquoi? Non, je vous pose la question maintenant. Avant de poser la question, il y avait une question qui était posée quand il parlait effectivement de Priscille. Comment Priscille a été mis au devant de la scène par Paul? J'aimerais. C'est là que je vais le prendre. Bon, on prend cet auditeur. On prend cet auditeur avant que vous ne réagissez, s'il vous plaît. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je m'appelle William. Alors, le frère William, vous voulez intervenir au débat, on vous écoute. Oui, j'ai une question à poser au pasteur Saquet. Oui. Oui, puisque dans 1 Timothée, en fait, 1 Timothée 3, verset 2, il est dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, propre à l'enseignement. Et comme le pasteur Saquet, n'est-ce pas, dit que la femme doit enseigner, j'aimerais qu'il explique aux auditeurs. Comment se fait-il que le fait que l'évêque doit être mari d'une seule femme et que propre à l'enseignement, est-ce que dans ce passage il est dit de l'évêque si la femme doit enseigner, comment se fait-il que mari d'une seule femme, le pasteur Saquet doit nous dire comment la femme, n'est-ce pas, devrait enseigner s'il faudrait que l'évêque soit mari d'une seule femme? Ça voudrait donc dire que la femme doit aussi être mari d'une autre femme. Ça veut donc dire qu'il est en train de nous pousser à nous faire comprendre que la femme, en réalité, doit être lesbienne. Si je veux bien comprendre. Ok, merci pour votre question. Pasteur Saka, vous vouliez dire un mot par rapport à ça. Pour arranger la question de l'auditeur, je crois qu'il a voulu poser la question indirectement si la femme peut être évêque. Non, je crois pas. Parce qu'en fait, il a dit que vous dites que la femme doit être enseignée, et par conséquent, alors que l'on a dit que l'évêque doit être mari d'une seule femme. C'est ça qu'il a dit, être propre à enseigner. Je crois que c'est. Dire quelque chose à mon bien-aimé. La semaine passée, j'ai dit l'important de connaître au moins les ABC pour ceux qui étudient la parole. Savent que il y a des principes pour fouiller un test ou bien pour reconnaître une doctrine dans la Bible. Et j'ai dit qu'il y a quatre choses peut-être pour ceux qui suivent, ou je sais pas. J'ai dit que la première chose, il est important de connaître que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a quatre éléments qu'il faut reconnaître rapidement. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les faits bibliques, c'est-à-dire les événements, quelque chose qui a eu lieu. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'opinion biblique, c'est-à-dire que quelque chose, un avis qu'une personne peut donner. Et si nous lisons dans 1 Corinthiens 7, verset 25, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas reçu un ordre de la part du Seigneur, mais moi je donne mon avis. Et Paul même dit, ne discutez pas au sujet des opinions. La troisième chose, dans la Bible, nous voyons qu'il y a ce qu'on appelle des traditions, des coutumes, ce qui fait la culture spécifique de ce peuple. Et dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle la doctrine biblique. Alors, comment faire pour reconnaître une doctrine dans la Bible? Nous avons dit ça d'une manière claire, et j'ai dit ça ici d'une manière claire la semaine passée. Nous avons dit qu'une doctrine biblique est confirmée toujours sur le témoignage de deux ou de trois personnes. Chaque fois qu'on lit dans la Bible de Genèse, Apocalypse, c'est-à-dire que tout ce que le Père, dit le Jésus-Christ dit, sans s'adresser particulièrement à une personne, et reconnaissant la dispensation est une doctrine. Oui. Et toute doctrine dans la Bible qui est valide est sous la confirmation de deux ou de trois témoins. Maintenant, arrivé sur l'aspect de l'évêque, oui, maintenant il n'a pas compris, j'ai dit l'aspect de la responsabilité, on parle du rôle, on ne parle pas du sexe. Nous sommes en train de dire que la même responsabilité qu'on a donnée à l'évêque d'enseigner la parole, c'est la même responsabilité, le mot enseignement, qui est donné à la femme âgée d'enseigner à cette jeune femme. Une femme peut être enseigne d'église, bon, ou bien évêque. Est-ce qu'on peut avoir une femme église dans votre assemblée? Plus que j'ai dit que la femme peut occuper tous les fonctions qu'un homme peut occuper. J'ai parlé clairement et je dis pas seulement ma pensée. Est dans Éphésiens chapitre 4, la Bible déclare, il a donné aux uns, comme les apôtres, les évangélistes, pasteurs, prophètes, enseignants, pour le perfectionnement des saints. Donc dans ce passage, il n'est pas spécifié qu'il a donné aux hommes uniquement. Lorsque vous faisiez votre entrée ici dans ce studio, je disais que l'une des règles doctrinales que vous avez fixées, c'est que les passages clés. Nous avons fixé. Oui. Non, moi je sais la Bible. Attends, François, Stéphane. Non, on va pas s'éloigner. Okay. La première fois qu'il est venu dans ce studio, vous l'avez présenté comme étant un enseignant de théologie, master en divinité. Ce n'est nulle part dans la Bible. Il a dit clairement le jour-là, j'ai pas voulu faire parce que nous ne sortions pas le sujet. Oui. Il a dit ces jours-là que c'est juste une reconnaissance de preuve dans le ministère. Bien, j'aimerais qu'il nous dise ici qui est habilité à donner un master à quelqu'un par rapport à sa preuve dans le ministère. C'est un preuve. Je vais vous montrer quelque chose, un aspect. Je vais dire un truc. Honnêtement, restons dans le sujet. Je suis dans le sujet. C'est comme ça qu'on s'est éloigné en étant. Il dit que lui ne voit pas, il donne la responsabilité. Une femme qui est évêque. Je vais relancer le débat. Oui. Donc. Acte chapitre 18, il y a une question qui vous a été posée. Absolument, j'étais là, à qui la épicile. Je voulais répondre. Pasteur Sakier, sur la base de ce passage dit que. Je vais le citer. Il a dit qu'il a mis Aquilas au devant, Priscille, au devant de la selle. Parce que dans ce passage, justement, si vous lisez, on va d'abord citer Priscille, puis Aquilas. C'est pour ça qu'il dit qu'il a mis au devant de la selle. Or, quatre fois. Dans la Bible, l'apôtre Paul va citer alternativement Priscille avant Aquila et Aquila avec Priscille. Oui. Je prends l'une des fois dans 1 Corinthiens chapitre 16 qui est devant moi dans votre Bible. Parce qu'il est écrit. Parce que le problème, c'est au niveau du fait qu'il a cité d'abord Priscille, puis Aquila. Non, c'est pas le problème. Dans 1 Corinthiens, j'arrive au niveau d'Apollo. Il a cité d'abord que l'apôtre Paul l'a mis au devant de la séprise là. Je vais arriver au niveau de l'offre. On peut même lire le passage dans les questions. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19 dit, les églises d'Asie vous salue, Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Parce qu'il y a les écrits là-bas par rapport à ce fait qu'on cite Aquilas en quoi Priscille en premier montre effectivement qu'elle avait la prééminence. Dans ce acte chapitre 18, en parlant de cela, la Bible déclare donc que lorsque Claude avait demandé aux juifs de quitter Rome pour rentrer chez eux, Aquilas et Priscille qui travaillaient dans l'œuvre du Seigneur ont rencontré un juif éloquent qui était versé dans les écritures mais qui ne connaissait que le baptême dedans. La Bible déclare donc que ce couple l'ont pris à l'écart pour leur expliquer plus clairement l'exactitude de la doctrine de Christ. Alors je vous arrête. Quand vous dites ce couple, vous parlez de deux personnes. Absolument. Comment donc la femme quand le président parle, quand le président de la République ça, quand le président la femme parlait quand le président j'arrive oui. vous citez là-bas que la femme a passé la Bible c'est tu là-bas la Bible dit que le couple l'a appelé. Lorsque j'invite quelqu'un à la maison avec mon épouse, je peux appeler quelqu'un qui dit viens chez nous, on l'accueille. C'est le couple Tchabda qui les a invités. Quand le couple présentiel va en France, quand le couple présentiel va en France, on dit que le couple Maram et Chantal bien va en France. Ce n'est pas Maram Chantal qui signe le décret. Okay. Ce n'est pas Maram Chantal qui donne le décret au Cameroun. On va prendre le couple présentiel. Il faut prendre les passages de l'écriture. Non, c'est pas ça. C'est clair par rapport à ça. C'est pas ça, Élie. Ça, c'est ordre d'écriture. Là, dans Acte chapitre 18, vous n'êtes pas allé dans aucun mot grec là-bas. C'est ordre d'écriture. Vous me permettez de lire le message. Je vous permets, François Stéphane. Qui peuvent participer au 243 07 56 32, 243 07 56 32 et le 699 49 37 90. Shalom à vous en studio. Je pense que la femme peut tout faire à l'église car nous, les hommes, nous avons une même mission. Aller et faites de toutes les nations mes disciples. 3 points de suspension. Sa femme est appelée à être vertueuse, soumise, mais celle-ci, un appel qui ne me permet pas de terminer mon message. Nous allons prendre priorité aux appels avant de revenir sur le message. Allô, bonsoir. Oui, allô. Bonsoir, comment je vous appelle? Oui, c'est William qui vous gêne. J'ai une autre question. Oui. En fait, puisque la Bible nous fait état de que nous sommes la lumière du monde. Oui. Et que tout le français dit la vérité selon les saintes écritures. Oui. J'aimerais savoir, puisque dans ce 1 Corinthiens 14, où il est dit, il fait état du fait que la femme ne doit pas enseigner C'est que dans ce même chapitre, les partisans du parler en langue utilisent le même parler en langue et font comprendre aux gens qui doivent parler en langue. Pourquoi donc chercher à contextualiser le fait que la femme ne doit pas enseigner et laisser alors le parler en langue et ne pas donc aussi le contextualiser? Puisque si nous admettons que le parler en langue doit être vécu, admettons également aussi que la femme ne doit pas enseigner puisque c'est un commandement du Seigneur. Vous pouvez reprendre, je n'ai pas très bien compris. Je dis n'est-ce pas. C'est bien, okay. C'est moi. Je crois qu'il veut renforcer aussi le côté du palais en langue. Oui. Pour dire que bon, si on interdit à la femme de pouvoir enseigner, oui, que la femme ne parle pas aussi en langue. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a bien dit, si vous contextualisez le fait que dans 1 Corinthiens 14, on dit que la femme c'était spécifiquement, spécifié aussi, contextualisé aussi, le palais en langue. Le palais en langue de la femme. Il n'a pas dit de la femme, il a dit le palais en langue dans tout coup. Parce qu'il a dit c'est un commandement du Seigneur dans 1 Corinthiens 14. Il a mis l'emphase parce que les femmes parle aussi en langue. Il a précisé ça. Non, c'est parce qu'il a dit. Il a bien dit ceci. Vous avez contextualisé le fait que les femmes ne doivent pas enseigner. Parce qu'il faut aller dans le contexte pour comprendre. Mais nulle part, on parle en langue aujourd'hui sans aller dans le contexte. Le rappel, on va le reprendre. Allô? Oui, allô? Oui. En fait, voici ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Que concernant le fait que dans ce même chapitre de 1 Corinthiens 14, il est fait état du fait que la femme ne doit pas enseigner, oui, et que bien après, on nous fait parler, on nous parle du parler en langue. Ces mêmes personnes qui essaient de contextualiser le fait que la femme ne doit pas enseigner, ils contextualisent également le fait que la femme ne doit pas parler en langue, parce que quand une vérité est on ne peut plus clair, il n'y a plus rien à faire là-dessus. Okay. Ce que nous allons ajouter et ajouter. Alors frère, vous êtes frère, moi j'ai une question à vous poser. Vous pensez qu'une femme peut parler en langue ou pas? Pardon, la Bible nous éclaircit là-dessus. Il y en a des femmes qui ont parlé en langue, c'était dans les actes des apôtres. Okay. Si nous le lisons, nous pouvons le constater, nous pouvons le remarquer. Ok, merci infiniment. Okay. Et j'aimerais ajouter, si la première fonction de la femme était de se tenir en silence au sein de l'assemblée, le même Paul, je crois dans 1 Corinthiens 14, qui est écrit dans 1 Corinthiens 14 que la femme doit se tenir en silence, avant de parler de ça dans 1 Corinthiens 11, il a parlé que la femme peut prophétiser, la femme peut prier. Il a dit que ça, elle doit d'abord se voiler. Donc ça veut dire qu'au sein de l'assemblée, la femme peut prophétiser. Au sein de l'assemblée, la femme peut prier. Ça veut dire que nous voyons que le premier rôle de la femme au sein de l'assemblée, ce n'est pas de se taire, parce qu'elle a la capacité de prophétiser. Donc dans 1 Corinthiens 11, il a montré que la femme est capable de parler. Parler de la part du Seigneur. Parler de la part du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11. Dans l'Église, on parle des oracles du Seigneur. Je prends le SMS que je n'ai pas pu terminer. Shalom à vous en studio. Je pense que la femme peut tout faire à l'Église, car tous les hommes sont... Car nous les hommes, nous avons une même mission, oui, aller et faire de toutes les nations. Mes disciples, 3 points de suspension. Oui. La femme est appelée à être vertueuse, soumise, mais cela ne signifie pas qu'elle ne peut pas prendre autorité. C'est vrai ce que dit le pasteur pour cette discrimination, mais c'était à l'époque. De nos jours, la femme peut tout faire puisqu'elle est aussi instruite. Dieu a créé la femme pour compléter l'homme, car il n'est pas absolu ni suprême. Donc la femme a sa place partout, que ce soit enseigné à l'église ou à l'école. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est Manuela Joyce qui signe ce message. Alors, on revient dans ce studio avec... Je peux avancer. Okay, allez-y avant que je ne pose. Nulle part dans l'écriture, vous ne verrez nulle part l'égalité entre l'homme et la femme. Oui. Dans les fonctions. Chaque fois Dieu va donner, c'est une conseil, comme il parle de doctrine, c'est un commandement. Ah, vous réagissez au SMS. Et puis j'avance. Oui. Allons-y. Vous parlez de toutes les femmes? Pardon? Vous parlez de toutes les femmes? Ou bien vous parlez d'une épouse? La Bible déclare, j'arrive là-bas. Pour toutes les femmes? J'arrive. Donc vous êtes le chef de mon épouse? Absolument. Non, c'est faux. Vous n'êtes pas le chef de mon épouse, monsieur. Maintenant, vous n'avez aucun droit sur mon épouse. Parce que voilà, donc il y a de problèmes avec la Bible. Okay. C'est peut-être là. Vous touchez pas son point. Vous êtes le chef de votre femme. J'arrive. Ah oui. Vous n'êtes pas le chef de mon épouse. J'arrive. Donc, par sexe, j'arrive. Vous n'avez pas le droit sur tous les femmes. Pasteur, vous avez autorité sur vos femmes. Pasteur, je vous pose la question. La peuple a dit tout à l'heure là, qu'elle s'éteste, comme le dit sur la loi. Où est-ce que la loi dit que la femme s'éteste? Je vous donne la parole. Je montre moi dans la loi où la Bible déclare que la femme se taise. Je ne sais pas pour répondre à ça. Ok, on prend cet auditeur. 243 07 56 32. On va peut-être questionner Paul. Oui, allô, bonsoir. l'auditeur s'en est allé. Pourquoi, Abda. Pourquoi? Je vous ai dit que c'est le nœud. C'est le nœud ici. Ouais, c'est très dangereux. Non, non, oui, allez-y. J'ai la parole, frère. Oui. C'est le nœud ici. Parce que le dénouement, tout ce qu'on bavarde, tout cela, je tourne autour parce que je sais exactement quelle est la pensée de Dieu ici derrière. C'est clair. Ah, vous êtes Dieu? Non, non, je n'ai pas dit. Nous avons, la Bible est claire. Nous avons, je ne sais pas comment ça scandalise. La Bible est claire que nous avons la pensée de Christ. Okay. Alors maintenant, je dis ici. Alors, on prend cet auditeur, Élie Bertrand Chabda. Allô, bonsoir. Oui, comment je vous appelle, monsieur? Pardon? Oui, allez-y, on vous écoute. Merci. Comme le Christ est le chef de l'homme, je ne sais pas pourquoi les gens cherchent toujours à ramener cette chose pour mettre la femme et l'homme à la même position. C'est incroyable ce que les gens font aujourd'hui à l'église, c'est pour ça qu'il y a tellement de désordres. Une femme qui a ses mensonges ne devrait pas être à l'église. On n'a jamais aboli. Est-ce que Jésus a aboli toutes les lois? Jésus a dit qu'il n'est pas aboli la loi, il est venu pour l'accomplir. Alors frère, respecter l'ordre que Dieu a établi. Frère, oui. Est-ce que la femme, selon vous, doit enseigner? Je dis non. Ok. Alors, est-ce que, comme vous dites que la femme elle doit être soumise à l'homme, est-ce que je suis le chef, par exemple, de votre femme? Oui. Si on se trouve dans un établissement où les gens sont ensemble, par exemple dans l'église, il n'y aura pas eu deux pasteurs. Il y a un pasteur qui est toujours leader. Donc, ça veut dire qu'elle commande toutes les femmes qui sont dans cette salle. Donc, ça veut dire que tous les hommes, dans une assemblée, sont les chefs des femmes, même si ces hommes-là sont animés par des esprits mauvais. C'est tellement faux. C'est tellement dangereux. Pas la femme. C'est écrit comme ça. On ne va jamais changer ça. La femme ne sera jamais sur l'homme. L'homme, est-ce qu'elle peut être sur la femme? Et c'est toujours comme ça. Ok. Non. Merci. Merci. Peut-être qu'il n'a pas bien lu ce passage. Okay, la Bible dit clairement, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de sa femme. Non, est-ce que c'est écrit sa femme? Est-ce que c'est écrit pasteur? Est-ce que c'est écrit dans votre Bible sa femme? La Bible déclare que toute femme qui prie, la Bible a dit toute femme qui prie. Vous voulez donc dire que, attends, permettez. Je continue. Je dis ceci. Est-ce que c'est seulement les femmes mariées, les femmes qui sont mariées qui doivent prier avec la et la Bible continue à dire que à cause de l'autorité à laquelle elle est soumise, elle porte un voile. Pourquoi elle n'est pas lieu? Voilà. Je suis en train de parler. Oui. Elle porte un voile comme un signe de l'autorité à laquelle elle dépend. Parce que c'est seulement les femmes mariées qui doivent prier. C'est tellement dangereux que des personnes appellent dire qui sont le chef de toutes les femmes. Ça veut dire qu'on n'a pas compris, même comprendre l'autorité au sein de l'église. Non, enfin, je crois sincèrement que si un homme est marié, il a le droit de dire à sa femme, alors aujourd'hui tu ne vas pas à l'église. Pasteur, une femme qui n'est pas mariée n'a pas de chef. Aussi longtemps que cette femme dépend de son autorité, le pasteur n'a qu'une autorité limitée. Il ne peut pas prendre l'autorité de cette femme sans l'ordre de son mari. C'est ça donc qu'il y a les désordres aujourd'hui. C'est pourquoi il y a des femmes qui sont à l'église lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche et négligent les responsabilités dans leur famille au nom du pasteur. C'est un désordre qu'il faut annuler parce que justement vous avez donné la place à l'église. Auditeur en ligne, s'il vous plaît. Auditeur en ligne, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, baissez votre poste récepteur, oui. Oui, c'est Olivier Défaut. Oui, Olivier Défaut, allez-y. Ok. Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Vous baissez complètement le volume, s'il vous plaît. Voilà. Ok, c'est bon. J'ai une question par rapport à l'émission. Et déjà, je salue tous les panels en studio. Oui, bonsoir. Ok. Monsieur, éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Ok. Ma question, c'est sur la voix du pasteur Fakir. Allô? On vous écoute, allez-y. Je te suis, mon frère. Ok. Et je voudrais que le pasteur... En fait, c'est une question que je lui pose. De l'Ancien, tout l'Ancien Testament, est l'ombre des choses à venir en ce qui concerne le Nouveau Testament? Ça, c'est la première question. Et la seconde, c'est... Est-ce que Dieu soutient toute chose par sa parole du sens? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième question est dans 1 Corinthiens 14, le verset 37. Qu'il la lise et qu'il nous réponde. Il nous explique clairement la pensée de Dieu dans ce verset-là. parce que nous voudrions comprendre et en être édifiés. Il ne faut pas que la saine doctrine soit mise de côté quant à l'édification de l'Église. Ok. Merci. Je ne sais pas si on aura tout le temps. Est-ce que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir? Ça, c'était la première question. J'aimerais seulement le rappeler, l'apôtre Pierre dit, il faut que je vous rappelle ces choses afin que vous soyez édifiés dans la vérité présente. Il y a trois types de vérités. Il y a la vérité passée, il y a la vérité présente, il y a la vérité future. Dans la Bible, il est important de connaître ces choses. Il y a la vérité passée, il y a la vérité présente, il y a la vérité future. Oui. Donc, quand nous lisons dans les Écritures, c'est pourquoi il y a d'autres personnes qui vont dans l'Ancien Testament et qui prennent des choses pour amener ça dans le Nouveau Testament. Est-ce que tout dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir? C'était pas tout, puisque nous voyons certaines vérités dans le Nouveau Testament. La sainteté, par exemple. Le Seigneur a dit, soyez saints, car je suis saint. Oui. Ça, c'est une vérité qui est immuable, qui reste. Par rapport aux figures, il est important de préciser, par rapport aux types et antitypes et les figures, c'était de l'ombre des choses à venir. Okay. Donc, c'est pourquoi il est important de classer ça. Il y a une vérité passée, une vérité présente, une vérité future. Et Pierre dit, j'aimerais que vous soyez affermis dans la vérité présente. Maintenant, je crois qu'il a posé une deuxième question. Oui, par rapport au verset 1 Corinthiens 14, est-ce qu'on aura tout le temps? J'ai des questions à poser. Et la question qu'il a dit, on a un auditeur qui nous appelle en même temps. Stéphane, si vous voulez la troisième partie de cette émission, ça sera exactement. Je prends l'auditeur d'abord. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, madame? Bonsoir. Ah, c'est Thérèse. Oui, la sœur Thérèse. Alors, on vous écoute? Oui, le thème est vraiment intéressant et... Je salue d'abord tous les hommes, les vieux qui sont en studio. Oui, allez-y un peu rapidement, on a fait le temps. Bonsoir. Je crois que la télé va nous recorder 5 minutes. On a une femme qui parle, c'est important. Allez-y, madame. Absolument. Ok. Donc, je disais par rapport au thème que la parole de Dieu est nette. Il dit que la femme ne doit pas enseigner, elle ne doit pas enseigner. Alors, moi, je rappelle à toutes les sœurs qui s'entêtent à vouloir enseigner qu'elles sont dans la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Et je crois dans le livre, dans l'épître, la lettre que le Seigneur a donnée à l'église de Thyatire, il a révélé, il a dit, ce que je condamne, c'est que la femme, elle enseigne. Et puis, pourquoi le Seigneur l'a à Jézabel? Qui était Jézabel? Quel était son caractère? Elle était dominante, elle était dominatrice. Elle voulait prendre les décisions. Alors j'appelais juste pour apporter la contribution et dire que réellement, nous devons suivre la parole de Dieu. Parce que ceux que le Seigneur va rejeter le jour venu, ce seront ceux qui auront prophétisé, ceux qui auront parlé du Seigneur, ceux qui auront évangélisé, mais qui n'auront pas fait totalement la volonté de Dieu. Ok, merci infiniment. On n'aura certainement pas le temps de toucher. On a 2 minutes, Elie Bétan. J'ai une question capitale. On va peut-être revenir sur ce 1 Corinthiens 14, 37. On a deux questions. On a la prophétie de Joël qui parle des hommes et des femmes en termes de prophétie, en termes de songe, en termes de vision. Est-ce à dire que Paul vient annuler cette prophétie? Je pose une question et c'est à vous que je pose la question. La première chose à faire, ce n'est pas de n'essayer pas d'opposer Jésus à ses disciples. Parce que l'apôtre Paul n'avait rien à voir avec la doctrine chrétienne jusqu'à ce que le même Seigneur Jésus vienne lui dire clairement pour les choses que tu as vues et pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il a signé que personne ne peut prêcher une autre doctrine de ce qu'ils ont prêché. Donc c'est tellement parfait que lui-même ne peut lui dire le contraire. La prophétie de Joël n'était pas correcte. Non, c'est pas que c'est correct. On parle des jeunes filles et des jeunes. Oui. Justement, dans Actes chapitre 21, verset 8, on voit effectivement les quatre filles de l'évangéliste Philippe qui prophétisaient dans l'église. Et là-bas, il y avait le ministère d'autorité des prophètes. Donc la prophétie n'est pas le prophète. Être prophétisé n'est pas dit prophète. Ça, c'est le béaba de l'évangile. Oui. Prophétiser ne fait pas de nous prophétesse. Mmh. Il n'y a pas, comme je l'ai dit à l'émission précédente, à moins que vous en trouvez, il n'y a pas trace de prophétesse dans le Nouveau Testament, comme il a parlé de la vérité présente. Vérité présente révèle qu'il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament, nulle part, il n'y a pas de trace. Mmh. Qu'il n'y a pas d'apôtre, ou bien apôtresse, ou bien pastrice, ou bien pastreuse, évêquoise, ou bien n'importe quoi, il n'y a pas ça dans les Saintes Écritures, dans la vérité présente, comme il a révélé. Donc je crois que le ministre qui reste, il faut qu'il explique que l'auditeur, pour que le... J'aimerais seulement rappeler au frère Élie, la raison pour laquelle il peut appeler Paul aujourd'hui l'apôtre Paul, c'est parce que c'est Paul lui-même qui a dit je suis apôtre. Donc il n'y a personne dans la Bible qui l'appelait Paul, y compris même Pierre, il a dit notre frère Paul, selon la grâce que Dieu lui a donnée, décrit oui. les Écritures. Oui. Donc beaucoup de personnes tordent le sens pour leur propre perdition. Mais l'apôtre Paul a dit aussi pour les autres, je ne suis pas apôtre pour vous, je le suis quand même. Je suis en train de dire que c'est son autorité n'était pas contestée. Non, qui a dit ça? Au milieu des apôtres, ce n'était pas contesté. Frère, les gens qui contestent son apôtre là, ce sont les ouvriers. Non, non, les apôtres qui contestent. Il dit ces hommes-là, ce sont les ouvriers. Il y avait des personnes qui voulaient ramener encore les frères dans la circoncision. Non, je veux juste te montrer. Je veux juste parler de ce que c'est parce que Paul était conscient de son appel. Donc je dis tu appelles apôtre Paul. C'est lui qui a dit que je suis appelé Paul, appelé à être un apôtre. Oui. Donc si nous voyons d'autres personnes, peut-être d'autres femmes n'ont pas pu s'exprimer, on n'a pas eu d'autres. La doctrine de l'église a été donnée dans les trois cas à rapport pour lui ou non. Quelqu'un a dit ça. Il dit la doctrine de l'église, enseigne les révélations de Dieu. C'était le concile de Jérusalem qui établissait l'ordre de l'église. Le conseil de Jérusalem n'a pas enseigné. Ça a demandé de respecter la loi. Je dis, c'est le conseil. La révélation. Je parle de la doctrine de la Bible. C'est le conseil de Jérusalem. La Bible est quand il persévère dans l'enseignement des apôtres. Donc Paul n'est pas venu depuis quelconque doctrine. Non, j'ai pas dit qu'il n'est pas venu établir quelconque doctrine. Alors, le temps est arrivé, malheureusement, à son terme. On ne s'est toujours pas entendu sur est-ce que la femme doit enseigner, est-ce que la femme ne doit pas enseigner, les différents rôles. On a un verset biblique qui est là, 1 Corinthiens 14, 37. L'urgence de 30 secondes, il peut expliquer. Le frère nous dit non, de l'autre côté de la baie vitrée. Il nous dit non. Est-ce que, parce qu'on peut rapidement brosser 1 Corinthiens 14, 37 avec vous. 1 Corinthiens 14, 37. 37, oui, rapidement. Et si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Dans cette version, dit, c'est une prescription que j'ai reçue du Seigneur par rapport à ce milieu. J'ai dit clairement pour terminer que pour qu'une doctrine soit établie, c'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Okay. En dehors de Paul, il n'y a personne d'autre qui a parlé de ça dans la Bible. Alors on ne peut pas dire que c'est une doctrine. L'apôtre Paul a dit là que la loi le confie. J'ai dit. Et il a refusé de le faire. C'était un des prescriptions spécifiques dans une église par rapport à ce commandement. Il a commencé par dire comme dans toutes les églises. Permettez-moi de vous dire, un apôtre n'a pas l'autorité dans toutes les églises. Pardon. Il n'a qu'autorité sur les églises qu'il a établies. Vous lisez l'apôtre Paul aujourd'hui. Il a l'autorité sur toutes les églises. Pasteur, il n'a pas l'autorité. Je ne vous permettrai pas. Ok. Alors, on a. Reconnaissez le ministère apostolique. Ok. C'est un pan de débat. Mesdames et messieurs. Le ministère apostolique n'a pas l'autorité sur les églises qu'il a établies. C'est votre style d'apôtre que vous avez aujourd'hui. Pasteur Sakiari, Eli Berson Chabda. De quel domaine? Pasteur Sakiari. C'est hors de conteste. C'est ça qui va vous amener à l'église. C'est ça qui va vous amener à donner les diplômes à l'église. Pasteur Sakiari et Eli Berson Chabda, nous allons clôturer cette émission. On va dire merci à tous les auditeurs. On pourra continuer l'émission en off. Je rappelle aux auditeurs qui voudraient nous approcher le 699-49-37-90. Vous pouvez appeler. Après l'émission, on pourra effectivement vous donner des recommandations si concerne l'émission. On se dit rendez-vous vendredi prochain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je retiens que le pasteur Sakiari n'a pas voulu répondre pourquoi c'est écrit là où c'est écrit dans la loi aussi. Je veux écouter. Mais qui écouter? Radio Bonne Nouvelle. Et pourquoi? Avec Radio Bonne Nouvelle, tout part de l'oreille pour transformer une vie en...